إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est arrivé au cours numéro 39 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et juste avant de commencer le dars, il y a juste un petit point que je voudrais mentionner en tant que nasiha pour les jeunes, en tant que nasiha pour les jeunes en général. Et la raison de cette nasiha, c'est à propos d'un point en particulier, en ce qui concerne l'imitation des koufars et l'imitation de la mode. Et c'est qu'est-ce qu'on a vu depuis quelques mois apparaître une mode chez les jeunes. Il y a beaucoup de musulmans qui suivent cette mode-là, des jeunes musulmans qui suivent cette mode. Et c'est quoi cette mode? C'est les coupes qu'on a vu apparaître là, comme la coupe de cheveux, comme les mohawks, hein, comme nous on appelle ça ici la coupe des mohawks. Non, c'est les Iroquois qui faisaient ça à l'époque. Ils coupent les deux côtés de la tête, puis ils laissent une crête comme un coq là sur le devant de la tête et sur le milieu, hein. Donc ça c'est interdit par l'islam, ce genre de coupe de cheveux là, hein. Ça, il n'y a pas de doute qu'il y a une imitation de koufar là-dedans. Et il y a des hadiths qui mentionnent l'interdiction de qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-qaza, c'est-à-dire quelqu'un, il coupe une partie de la tête ou des cheveux de la tête et il laisse une autre partie. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait vu des jeunes ou des enfants avec leur tête coupée, une partie et le reste en haut qui était haut, il a ordonné qu'on coupe tout ou qu'on laisse tout. Il a dit laissez tout ou coupez tout, mais faites pas couper une partie, laissez une partie. D'accord? Donc ça, qu'est-ce qu'on voit maintenant chez les jeunes? Ça c'est haram. C'est quelque chose qui est interdit. Et il y a des hadiths, comme j'ai dit, à ce sujet-là. Parce que il y a quelque chose qui est apparu depuis les dernières années ici à Montréal. Peut-être qu'auparavant, on n'avait pas ce phénomène-là. Mais ça vient de commencer depuis peut-être les 5 dernières années. Ou il y en a environ, peut-être un peu plus là. Mais avant, c'était moins. Maintenant, on voit que ça commence à devenir beaucoup plus. Le phénomène des jeunes, des gangs de jeunes d'origine des pays musulmans qui traînent dans les sorties de métro ou dans des endroits publics, puis qui font des bêtises, hein, et qui font toutes sortes de choses qui sont pas nécessairement haram, mais des fois qui sont haram aussi. Sinon c'est une perte de temps, ou sinon c'est faire du bruit, ou sinon c'est déranger les gens dans la rue, ou bien sinon c'est draguer les filles, ou des choses comme ça, hein. Et puis donc ça c'est un signe qu'il y a un manque d'éducation et que les parents ils font pas attention à qu'est-ce que font leurs enfants dans la rue. Et ça c'est très très grave, et surtout dans un pays comme ici où il y a une liberté totale, hein. Donc il faut que les parents fassent attention à qu'est-ce que font leurs enfants lorsqu'ils sortent dehors, avec qui leurs enfants se tiennent, et qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre. et de bien les éduquer avec une éducation islamique pour qu'ils aient justement un bon comportement et qu'ils soient pas en train de traîner comme des voyous ou des vagabonds dans la rue. Donc ça c'est très important, et c'est un point que j'ai remarqué depuis plusieurs dans les dernières années, et il faut absolument que quelque chose soit fait à ce sujet-là. Et parmi les choses qui influencent ces choses-là, ça on aura peut-être d'autres occasions d'en parler, de faire peut-être des conférences sur ça. Mais sinon, il y a des causes à ça. Et parmi les causes, il y a bien entendu l'ignorance de la religion. Il y a certains aspects des péchés que certaines personnes font, comme on a mentionné par exemple l'imitation des koufars, la cigarette. On voit que beaucoup de ces jeunes-là, ils traînent dans les métros ou dans les rues et ils fument. Il y a aussi la musique, parce que beaucoup d'entre ces jeunes-là, ils sont très influencés par le rap ou bien par d'autres sortes de musiques qui sont, on sait que la musique à la base c'est haram, mais pour eux, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. C'est-à-dire, ils sont pas au courant que la musique est haram. Hein. Puis, il y a d'autres facteurs aussi par la suite qui viennent influencer ça. Donc tous ces sujets-là doivent être adressés et on doit se préoccuper de ça parce que ça commence maintenant à apparaître. Ça veut dire que c'est juste le début et ça risque de devenir pire encore par la suite. Donc c'est juste un point que je voulais donner en introduction pour mettre en garde à propos de ce sujet-là. Puis inshallah, en d'autres occasions peut-être qu'on pourra en parler plus en détail. Non. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, après avoir expliqué un peu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son nom et le nombre d'années qu'il a vécu et ainsi de suite, donc tout ce qu'on a expliqué au dernier cours, maintenant il commence à parler de l'aspect de la révélation et de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il parle de la descente de la révélation sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit: wa ursila bil mudaththir wa baladuhu Makkah wa hajara ila al Madinah wa ba'athahu Allah bin nidharati 'an ash-shirk wa yad'u ila at-tauhid wa dalil qawluhu ta'ala: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme prophète, il est devenu prophète par Iqra, par le verset qui dit Iqra, et il a été envoyé comme messager par le verset Al-Muddathir, dans Surat Al-Muddathir. Et le pays, ou la ville où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, c'est la ville de Mecca. Et ensuite, il a émigré à Médine. Il a quitté Mecca, il est parti vivre à Médine. Il s'est installé à Médine par la suite. Et à propos de la hijra, on va y revenir, parce qu'il y a une partie où le cheikh explique l'obligation de la hijra et ainsi de suite. Donc on va y revenir à ça. Ba'athahu Allah bin nidharati 'an ash-shirk. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'avertissement contre le shirk. Et il l'a envoyé pour qu'il appelle au tawhid. Donc ça c'est la base de son message. Avertir contre le shirk et appeler au tawhid. Et la preuve de ça est dans les versets de 1 à 7 dans Surat al-Muddathir que le cheikh il a mentionné. Ya ayyuhal muddathir, ô toi qui es recouvert d'un drap ou d'une couverture, qum fa'anzir, lève-toi et avertis, wa rabbaka fakabbir, et exalte ton Seigneur. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, et purifie ton vêtement. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, et écarte-toi des idoles. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Donc, il y a donc ces versets-là qui sont mentionnés comme preuve à ce sujet-là. Maintenant, on va lire le tafsir ou l'explication de qu'est-ce qu'on a lu dans les paroles du Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan il dit: ثم نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا هو الإرسال وهذا معنى قول الشيخ نبأه بإقرأ أو نبأه إقرأ وأرسله بالمدثر. والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وتوضيح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل عليه شريعة وكتاب، أن الرسول تنزل عليه شريعة وكتاب، وهو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر على رأس الأربعين. وكذلك الأنبياء والنبي، وكذلك الأنبياء والنبي يبعث بشرع أو يبعث بشرع من قبله وكتاب من قبله، ويوحى إليه ببعض المسائل كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. Donc le cheikh il parle, il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète le verset ou la sourate Al-Muddathir. Ô toi qui as été recouvert, lève-toi et avertis. Et ça c'est le verset par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. C'est pour ça, et dit le cheikh, c'est ça la signification des paroles du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab lorsqu'il dit qu'il a été déclaré ou envoyé comme prophète par le verset Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, hein, et il a été envoyé comme messager par le verset Al-Muddathir, hein, Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit lève-toi et avertis, hein, donc il lui donne l'ordre de transmettre. Et le cheikh il dit ensuite que c'est ça la différence entre le prophète et le messager. Le prophète c'est celui qui a eu une révélation d'une loi ou d'une législation, mais qui n'a pas été ordonné de la transmettre. Tandis que le messager, c'est celui qui a reçu une révélation, il a reçu la révélation d'une législation, mais, et il a été ordonné de la transmettre. Et la clarification de ça, c'est que le messager, il reçoit une législation, une loi, une charia, et un livre. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme prophète par le verset Iqra, ou lorsqu'il a reçu la révélation de Iqra, surat al-Alaq, et il a été envoyé comme messager lorsqu'il a reçu surat al-Muddathir, alors qu'il avait 40 ans, alors qu'il avait atteint l'âge de 40 ans. De même que les autres prophètes, hein, les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala les envoie avec une législation, mais une législation des prophètes qui les ont précédés, et un livre d'un prophète qui les a précédés, ou d'un messager qui les a précédés. Hein. Et parfois, Allah subhanahu wa ta'ala va lui envoyer ou va lui révéler certains points ou certaines questions pour clarifier, hein, comme c'était le cas pour les prophètes de Bani Israël après Moussa alayhi salam. Hein, ils étaient envoyés avec une révélation, mais ils n'avaient pas un livre. Ils suivaient la Torah de Moussa alayhi salam. Puis parfois, Allah subhanahu wa ta'ala leur révélait certaines questions ou certains points spécifiques. Hein, mais par contre, ils suivaient toujours la base de la révélation de Moussa alayhi salam. Et donc c'est ça la différence entre le prophète et le messager. Bien entendu, entre les deux, il y a des divergences, c'est-à-dire il y a des différentes explications parfois d'un savant à l'autre. Toutefois, yani certains ulama ont clarifié que yani lorsqu'on dit par exemple que le messager c'est celui qui a été envoyé avec une révélation, une législation et qui a été ordonné de la transmettre, quand on dit de la transmettre ici, comme le Cheikh Al-Fawzan il a expliqué dans plusieurs autres livres, c'est qu'il a été ordonné de la transmettre et d'appeler à cette législation-là et de combattre. De combattre. Tandis que d'autres ulama, ils expliquent que lorsque on dit la différence entre les messagers, que le messager c'est celui qui a reçu une révélation et qui a été ordonné de la transmettre, tandis que le prophète, il n'a pas été ordonné de la transmettre, comme disait Cheikh Ubayd al-Jabiri dans son charh de Al-Usul al-Salasa, il a dit il n'y a pas un prophète qui reçoit une révélation puis qu'il reste assis chez lui dans sa maison. Hein? Donc, c'est sûr qu'il doit appeler les gens et avertir les gens lui aussi. Mais sauf que le prophète, la différence, c'est qu'il se base sur un livre d'un prophète, d'un messager précédent. Tandis que le messager, lui, c'est celui qui reçoit une législation nouvelle. Le Cheikh dit « وَالْمُدَّثِّرْ مَعْنَهُ الْمُلْتَحَفُ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَصَابَحُ شَيْءٌ مِنَ الْفَزَعُ فَقَالَ دَثِّرُونِي دَثِّرُونِي أي غُطُّونِي فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر أي عظمه وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك فالأعمال تسمى الثياب قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير سمى التقوى لباسا. Donc le cheikh il dit que al-mudathir ça veut dire celui qui est enveloppé. Celui qui est enveloppé. Et pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu Jibril pour la première fois dans son apparence et qu'il a eu la révélation et qu'il a vu ces choses-là, ça, il est rentré chez lui effrayé. Hein? Alors quand il est rentré chez lui, il est rentré dans sa maison et il a dit à sa femme Khadija radiallahu anha, dathiruni, dathiruni, c'est-à-dire couvre-moi, hein, enveloppe-moi avec un vêtement. Et c'est-à-dire couvre-moi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset pour lui dire ô toi qui es enveloppé, ou qui es couvert, lève-toi et avertis, et ton Seigneur exalte-le. Hein? C'est-à-dire exalte-le. Yani kabbir, yani azimhu, ça veut dire exalte-le, ça veut dire yani kabbirhu ay azimhu, ça veut dire exalte-le. Wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Tes vêtements ici ça signifie en fait tes actions. Purifie tes actions du shirk. Ici on, donc dans ce verset on appelle les vêtements, on appelle les actions des vêtements. On appelle les actions des vêtements. Comme dans un autre verset dans Surat Al-A'raf, le verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa libasu taqwa dhalika khair. C'est-à-dire les vêtements de piété, ça c'est meilleur. Et donc ici on appelle la taqwa un vêtement. Taqwa, c'est quoi? Taqwa, on l'a expliqué plusieurs fois, mais il n'y a pas de mal de le répéter. Taqwa, c'est le fait de faire ce que Allah nous ordonne, de s'abstenir de ce que Allah nous a interdit, par crainte du châtiment d'Allah, et par espoir en sa miséricorde et sa récompense, en se basant sur la connaissance et la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le but de se protéger du châtiment d'Allah, oui. Donc, de se protéger du châtiment d'Allah avec crainte du châtiment d'Allah et avec espoir en sa récompense. Donc, at-taqwa, c'est une protection qu'on prend entre nous et le châtiment d'Allah en faisant ça. C'est-à-dire en faisant ce qu'il nous ordonne, en s'abstenant de ce qu'il nous interdit. Hein, par crainte de son châtiment, par espoir en sa récompense. D'accord ? Et en se basant sur la connaissance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa révélation. C'est ça, at-taqwa. D'accord ? Donc ici, cette chose-là, ça c'est des actions, hein, et des paroles, des actions, et ainsi de suite. Allah l'appelle un vêtement. Wa libas at-taqwa. Libas, c'est des vêtements. Libas at-taqwa, zalika khayr. Donc ça c'est la meilleure chose. Donc c'est bien de s'habiller avec des vêtements pour couvrir notre corps, pour couvrir notre nudité, pour faire preuve de pudeur, mais les vêtements de la piété, c'est encore meilleur. Hein, c'est-à-dire de faire preuve de piété et de taqwa, hein, comme on a défini ça tout à l'heure. وَالْرُجْزَ الْرُجْزُ مَعْنَاهُ الْأَصْنَامُ. La signification de الرُجْز dans ce verset. الرُجْز, c'est الْأَصْنَامُ, c'est les idoles. Et il y a un autre mot qui est la même racine que ça, c'est الرِجْز. الرُجْزُ, puis il y a الرِجْزُ. الرِجْز, c'est l'impureté. Ar-rijd, c'est l'impureté. Et ar-rujzu, c'est les idoles. D'accord. Ça vient de la même racine. Hena. Exactement. Ça vient de la même racine. Donc c'est les idoles ici, ar-rujz. Donc, wahjur, hein, war-rujza fahjur. Fahjur, yani ay, utrukha, wabta'id anha. Donc, les idoles, fais le hajr des idoles. Fais le hajr des idoles. Le hajr, c'est quoi? C'est le fait d'abandonner et de s'en écarter. Donc, écarte-toi des idoles. Et délaisse les idoles. Hein? Et abandonne-les. فبعث الله على رأس الأربعين فبعثه الله على رأس الأربعين وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام وحصلت مداولات بينه وبين المشركين وحصل عليه أذى وعلى من آمن به واتبعه وحصلت مضايقات وحصلت مضايقات من المشركين في خلال 13 سنة وقبل الهجرة بثلاث سنوات أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس فصلى بمكة 3 سنين ثم تآمرت قريش على قتله وعلى الفتك به فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة فهاجر إلى المدينة بعدما التقى بالأنصار في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a envoyé dans sa mission à l'âge de 40 ans, lorsqu'il a eu 40 ans. Une fois qu'il a atteint 40 ans, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé dans cette mission. Il est resté 13 ans à Mecca, à appeler les gens au tawhid, à appeler les gens à abandonner le shirk et les idoles. Et bien entendu, il y a eu beaucoup d'échanges et de conflits entre lui et les mushrikines de Quraysh. Et il y a eu de la part des mushrikines de Quraysh beaucoup d'offenses qui lui ont été faites à lui et à ceux qui l'ont suivi, hein, parmi les musulmans. Donc ils ont fait beaucoup d'offenses et beaucoup de torts aux croyants et à ceux, au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants qui l'ont suivi. Et ils lui ont fait beaucoup de difficultés à travers ces 13 années. Et 3 ans avant la hijra, 3 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Mecca pour aller à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait faire ce voyage qui est connu comme le voyage qu'on appelle Al-Isra wal-Mi'raj. Et Al-Isra wal-Mi'raj, ça s'est produit durant une nuit. Et dans cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un voyage de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire en Palestine. Et de Bayt al-Maqdis, il l'a élevé jusqu'au dernier des cieux. Hein? Donc, ça, il a fait ce voyage durant une nuit, qu'on appelle, on appelle cet événement Al-Isra wal-Mi'raj. Et c'est durant cette ascension au, septième, au dernier des cieux, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire 5 prières par jour. Et lorsqu'il était donc, lorsqu'il est retourné, le soir même, la nuit même, il est retourné à Mecca, il a commencé donc à établir les salawat. Et il a prié, il a fait la salat pendant 3 ans à Mecca. Puis les gens de Quraysh se sont tous mis ensemble pour comploter de l'assassiner. Hein? Les différentes tribus, les différents individus de Mecca se sont tous mis ensemble pour comploter, pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour le tuer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la hijra vers Médine, et donc il a quitté Mecca et il a émigré, il a fait la hijra vers la ville de Al-Madinah, après avoir rencontré 2 fois les Ansar, ceux qui avaient cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les habitants de la ville de Al-Madinah. Hein? Donc ils se sont rencontrés une première fois, ils ont fait une allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, à un endroit qu'on appelle Al-Aqaba, et il l'a fait une deuxième rencontre aussi, la deuxième fois, ils étaient plus nombreux encore, hein, et c'est après que yani, ils ont promis qu'ils allaient défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le supporter dans sa da'wah, et par la suite, hein, il a fait la hijra là-bas. هاجر إلى المدينة وأقام بها 10 سنوات فالمجموع 23 سنة أي نعم 23 سنة بعد النبوة عاش صلى الله عليه وسلم 23 سنة 13 في مكة يؤسس دعوة التوحيد و10 سنوات في المدينة ثم توفاه الله على رأس 63 من عمره عليه الصلاة والسلام فمدة عمره في الرسالة 23 سنة وهذه البركة التي أنزلها الله عليه وهذا العلم الغزير وهذا الجهاد وهذا التمكين في هذه المدة الوجيزة 23 سنة هذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن بركات هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبركات دعوته وبركات الوحي الذي أنزل عليه وقبل هذا كله بإعانة الله عز وجل وهو الذي أعانه وهو الذي حماه وأيده ونصره حتى بلغت دعوته المشارق والمغارب والحمد لله رب العالمين. Donc, le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, il a fait la hijra vers Médine. Hassan, si c'est possible, juste d'aller allumer la lumière d'ici, les lumières ici, parce qu'il commence à faire sombre déjà. Hein? Donc, il a fait la hijra, il est parti vers Al-Madinah. Et il est resté 10 ans à Médine. Donc, le total, c'est quoi? C'est 23 ans. Le total de sa da'wah, c'était 23 ans. Donc après la prophétie, il a vécu 23 ans, alayhi salatu wassalam. Il est resté 13 ans à Mecca à établir la da'wah du tawhid et 10 ans à Médine. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a pris son âme lorsqu'il avait 63 ans. Alayhi salatu wassalam. Donc, la durée de sa vie en tant que prophète, en tant que messager, c'était une durée de 23 ans, comme on a dit. Et ça, c'est la baraka, c'est la bénédiction que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur lui. Et cette science, cette grande science, et cette lutte qu'il a fait, ce jihad qu'il a fait, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et cet établissement, ce raffermissement qu'il a eu dans cette courte période, yani subhanallah, hein, en 23 ans seulement, regardez comment il a réussi à établir ce message et cette religion et à raffermir les fondements donc de cette umma en une période très très courte, hein. Ça c'est déjà un miracle en soi. Et ça fait déjà partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des bénédictions de ce prophète. Hein? Et des bénédictions de sa da'wah. Et des bénédictions de la révélation qui a été descendue sur lui. Hein? Et bien entendu, avant tout ça, c'est avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a aidé. Et c'est lui qui l'a protégé, et c'est lui qui l'a supporté, et c'est lui qui l'a défendu, hein, jusqu'à ce que sa da'wa atteigne l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest. Et ça, bien entendu, c'est par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Wa qawluhu ba'athahu Allahu bin nidharati 'an ash-shirk wa yad'u ila at-tawhid, hadhihi da'watuhu an-nidharatu 'an ash-shirk wa ad-da'watu ila at-tawhid. وهذا الذي يجب أن يسير عليه الدعاة في دعوتهم أن يركزوا على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء وإلا لم يكن دعوتهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ici, يعني le cheikh il dit que lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour avertir contre le shirk et pour inviter les hommes au tawhid. Ça, c'est la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? La da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est d'avertir contre le shirk et d'appeler les gens au tawhid. Et ça, c'est ce qui est obligatoire à toute personne qui veut yani, suivre l'exemple des prophètes dans leur da'wah, hein? Et qui veut établir donc cette da'wah, il doit se concentrer sur l'avertissement contre le shirk et appeler les gens au tawhid avant toute autre chose. Ça doit être sa priorité. Sinon, il n'est pas en train d'appeler sur une voie qui est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il ne se concentre pas sur le tawhid et il ne fait pas du tawhid la priorité dans sa da'wah, alors il n'est pas en train d'appeler à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est malheureusement le cas de beaucoup de gens aujourd'hui qui prétendent faire la da'wah. Ils ne parlent jamais du tawhid et ils ne concentrent pas leur da'wah sur le tawhid. Et ça, c'est le cas des plus grandes jama'at qui existent dans le monde musulman aujourd'hui, comme la jama'a des Ikhwan ou la jama'a de jama'a Tabligh, leur da'wah n'est pas basée sur le tawhid. Et donc, c'est ça le malheur. Le cheikh il dit ensuite, Al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, ba'athahu Allahu bin nadharati ani shirk wa da'watu ila tawhid, fala budda min ta'asili hadha shay. Awalan, ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمور لأنها لا تصلح الأمور إلا بوجود التوحيد ولو أن الناس تركوا الزنا والخمر والسرقة واتصفوا بكل فضيلة من الأعمال والأخلاق ولكنهم لم يتركوا الشرك فلا فائدة من هذه الأمور لا تنفعهم بينما لو سلم الإنسان من الشرك وعنده كبائر دون الشرك فهو مرجو أن يغفر الله له أو يعذب بقدر ذنوبه ولكن مآله إلى الجنة لأنه موحد. Donc qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec l'avertissement contre le shirk et la da'wa du tawhid, d'appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut absolument qu'il y ait cette base là et ce fondement là, hein? Ça c'est fondamental et c'est prioritaire. Puis après qu'il a établi cette base chez les gens, il passe ensuite aux autres choses. Parce que s'il n'a pas purifié et corrigé cette question du tawhid, hein, puis qu'il veut essayer de corriger les autres choses, hein, eh bien il ne sera pas capable de le faire. Excepté s'il a corrigé les problèmes qui existent dans la conception et dans la compréhension du tawhid. Donc le cheikh il donne un exemple. Il dit, imaginez supposons que tout le monde abandonne le zina, tout le monde abandonne l'alcool, tout le monde cesse de voler, tout le monde cesse de faire des grands péchés, hein, et qu'ils ont en même temps toutes les bonnes qualités, les bonnes morales, et qu'ils ont des bons comportements et un bon khuluq, mais qu'ils n'ont pas abandonné le shirk. Alors tout ça n'a aucune importance et ça n'a aucune barakallahu fik. Donc si quelqu'un il n'a pas purifié sa aqida de toute forme de shirk, eh bien ses actions ne lui seront d'aucune utilité. Tandis que si quelqu'un, hein, il a été exempt du shirk, il n'a pas fait aucune forme de shirk, mais il a par contre des grands péchés en dehors du shirk, il est quand même dans l'espérance de recevoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou d'avoir un châtiment qui correspond à la portion de péché qu'il a faite. Mais sa destination finale sera le paradis, même s'il reste en enfer un certain temps, mais il ne va pas demeurer éternellement pour en enfer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est muwahhid, quelqu'un qui est sur le tawhid, qui a établi le tawhid. Donc ça c'est la raison pour laquelle c'est très important de se concentrer sur le tawhid et qu'il faut faire de la da'wah au tawhid une priorité et toute autre chose comme étant une chose secondaire. Hein? Donc c'est comme qu'est-ce qu'on a mentionné au début du cours. Qu'est-ce qu'on a mentionné au début du cours au sujet des modes des jeunes, qu'est-ce que les jeunes font par exemple avec leurs cheveux et des choses comme ça? Ça c'est un péché apparent. C'est sûr que avant de corriger ce genre de péché-là, il y a des choses qui viennent. Comme par exemple, si tu vois que ces jeunes-là, par exemple, ils font pas la salat, ou bien qu'ils font des formes de shirk, eh bien, la priorité c'est de corriger la aqida de ces jeunes-là, en premier. Puis ensuite, de les appeler à établir les salawat, les 5 prières par jour. Une fois qu'ils ont corrigé ça, après, petit à petit, c'est facile de corriger les questions des cheveux, puis les autres affaires comme ça. S'ils ont corrigé leur aqida et leur manhaj, après c'est très facile de corriger les autres choses. Mais si tu viens avec la da'wa, tu viens leur parler et tu leur dis, mon frère, pourquoi tu laisses tes cheveux comme ça, ici et ça, et le jeune, il fait pas la salat, il fume, il fait plein d'autres péchés, mais ça c'est déjà grave, mais de pas faire la salat c'est plus grave encore. C'est parce que ça c'est qu'est-ce qui distingue entre le musulman et le non-musulman, hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il faut concentrer sur les choses les plus importantes en premier. Le tawhid, ensuite la salat, hein, et ainsi de suite. Donc ça c'est important de comprendre ça. C'est un manhaj. Ça c'est un manhaj. Et ça c'est le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wa. Et c'est ça qu'il faut suivre. Ensuite le cheikh dit, fa tawhid huwa al-asl wal-asas. ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أولا ولذلك يجب التركيز عليه والعناية به دائما وأبدا ودعوة الناس إليه وتعليم الناس إياه وأن يبين لهم ما معنى التوحيد وما معنى الشرك. لا بد أن يعرف المسلم هذا الأمر ويتحقق منه ويتفقد نفسه حتى لا يقع في شيء من الشرك أو يخل بالتوحيد. فلا بد من هذا الأمر ولا بد أن تقوم الدعوة على هذا الأساس. Donc le cheikh il dit que le tawhid c'est la base et c'est le fondement, et tu peux pas être sauvé ou avoir un salut excepté si tu as ton tawhid établi en premier. Et c'est pour cette raison-là qu'il est obligatoire de concentrer et de mettre toute la concentration sur le tawhid et toute notre attention en premier sur le tawhid en premier, et pas seulement au début ou pas seulement en premier, mais constamment et tout le temps à travers ta vie. Parce que c'est pas comme certaines personnes peuvent s'imaginer, j'ai pris un cours sur le tawhid et donc j'ai lu un livre sur le tawhid, ça y est, c'est fini. Non, parce que le tawhid c'est pas juste une chose que tu as apprise, une chose que tu as apprise comme ça, que tu connais de façon théorique, et que après tu le laisses de côté puis que tu l'as appris puis c'est fini. Le tawhid c'est quelque chose que au fur et à mesure que tu vas vivre, tu vas être mis en face de différentes circonstances, tu vas être placé en face de plusieurs situations différentes, puis dans ces différentes situations, dans ces différentes circonstances, il y a des choses qui vont arriver qui vont te faire réagir. Si ton tawhid il est fort, il est sincère, il est basé sur la connaissance, tu vas essayer de calculer tes réactions et arranger ta façon d'agir en accord avec ta connaissance que tu as du tawhid. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'être humain parfois il oublie, l'être humain parfois il a des insouciances, parfois il est négligent, parfois il suit sa passion. Parfois, plein de choses peuvent lui arriver qui fait que il a la connaissance du tawhid de façon bien mémorisée dans son esprit, il a bien compris les principes, mais lorsque vient l'application du tawhid, la mise en pratique du tawhid dans les circonstances spécifiques, là on voit la réalité de ce tawhid-là qui se met en application. Hein? Des fois, tu vas être mis en face de situations qui vont faire en sorte que tu vas devoir faire preuve de foi et de fermeté, de sincérité, parce que tu vas être testé. Comment tu vas réagir? Hein? Est-ce que tu vas mettre ton tawhid en premier ou bien tu vas laisser ça comme étant quelque chose qui est secondaire pour quelque chose de la dunya, par exemple? Hein? Donc il y a des exemples comme ça. Des fois tu vas voir des gens qui font du shirk devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Est-ce que tu vas ordonner le bien? Est-ce que tu vas interdire le mal? Est-ce que tu vas appeler ces gens-là? Est-ce que tu vas leur dire qu'est-ce que vous faites, c'est pas permis, c'est pas correct? Hein? Donc ça c'est important de vraiment comprendre. Et j'écoutais l'autre jour une parole du cheikh Mohammed ibn Hadi et hafizahullah. Et il expliquait qu'il était, je pense que je vous l'ai mentionné déjà, il était en route vers une ville dans le sud de l'Arabie Saoudite en voiture. Il s'est arrêté quelque part en chemin et il a voulu acheter quelque chose de quelqu'un qui vendait des marchandises sur le chemin. Et la personne, elle vendait la marchandise à un prix très cher. Alors, le cher, il a dit, non, si c'est ce prix-là, je ne veux pas l'acheter, c'est trop cher. Alors, la personne qui vendait, c'est un bédouin, c'est un bédouin saoudien, un bédouin. Il commence à dire, je te jure par, il a juré par quelque chose d'autre que Allah. Soit il a dit, je te jure par la Kaaba, ou je te jure par le prophète, ou quelque chose comme ça. Alors, il dit, quand j'ai entendu ça, là j'ai dit, bon, il faut que je prenne du temps pour clarifier cette question, parce que là il jure par autre que Allah, et ça c'est une forme de shirk. Donc il a commencé à prendre du temps pour lui expliquer que dans l'islam hein, ça rentre dans le shirk, et qu'il ne faut pas jurer par autre que par Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu jures seulement par Allah. Et il lui a clarifié le danger de ça, et ainsi de suite. Et il a donné un point, le shirk, il a donné un point, et c'était très très intéressant. Il a dit, il ne faut pas que vous pensiez que la da'wah c'est juste quand on fait un dars, ou quand on fait une khutbah sur le mimbar, ou quand on est en train d'enseigner. Non, la da'wah c'est aussi dans des situations comme ça qu'on doit vivre dans notre vie parfois, des circonstances qui se présentent à nous, et on profite de ces moments-là, de l'opportunité pour clarifier la vérité à des gens. Hein? Et ça peut être n'importe où, ça peut être n'importe quand. Quand on a l'occasion de clarifier à quelqu'un, n'importe qui, quelque chose de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des questions en particulier du tawhid. Ça, c'est très important. Donc, ça fait partie de la da'wah aussi. C'est pas juste quand on fait une conférence ou une khutbah ou des choses comme ça, la da'wah. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu rencontres quelqu'un au marché, tu rencontres quelqu'un dans le métro, quelque chose, il y a une circonstance qui se produit, quelque chose qui arrive, et tu vois quelque chose qui est contraire au tawhid, quelque chose qui est contraire à l'islam, tu prends ton temps pour clarifier à la personne avec la bonne méthode, avec la sagesse, avec la douceur, avec hikma, sagesse, hein. Et ça aussi, ça fait partie de la da'wah. Donc ça, c'est très important. Donc, oui, exactement. À la fin, il lui a acheté pour une valeur plus que qu'est-ce qu'il voulait, hein, au début, le monsieur. Donc c'est pour dire, pourquoi il a fait ça? Pour l'encourager. En voulant dire, maintenant, tu as fait une erreur, je t'ai clarifié cette erreur-là. Maintenant, pour t'encourager à rester sur cette voie-là, maintenant, ok, je vais t'acheter pour te montrer, hein, ma bonne volonté. Et pour te montrer, yani, que maintenant, Inch'Allah, tu dois faire preuve de plus de d'attention, puis de sincérité, et faire plus d'efforts maintenant dans ta religion, et ainsi de suite. Pour l'encourager, en fait. Donc ça aussi, ça fait partie de la da'wah. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et, na'am. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite, ici le cheikh? Il dit donc qu'il faut se préoccuper donc du tawhid au début et jusqu'à la fin. Tout le temps. C'est pas juste un moment, puis après c'est fini. Comme certaines du'ates, hein? Certaines du'ates aujourd'hui, contemporaines, qui ont dit, moi je suis capable d'apprendre le tawhid en 5 minutes. Hein? Ça y est, d'apprendre le tawhid en 5 minutes. Et quand on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, on lui a demandé, Cheikh, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui a dit, on peut apprendre le tawhid en 5 minutes? Cheikh Al-Fawzan, il s'est moqué. Il a dit, ça c'est pas possible. Il dit, subhanallah, tu apprends le tawhid en 5 minutes, puis le fiqh en 5 minutes, puis le tafsir en 5 minutes, puis tu vas devenir un alim en 30 minutes, ça y est. Hein? Non, c'est pas comme ça. Yani, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné le tawhid pendant 10 ans à Mecca. Et c'est pas juste 10 ans comme si une heure par semaine, comme nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant, un ou deux dars par semaine, et puis c'est tout. Non! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie c'était un dars. Depuis le moment qu'il se lève le matin pour la salat de Fajr jusqu'au soir l'Isha, même quand il dort chez lui, tout ça c'était un dars, du matin jusqu'au soir. Ça veut dire 24 heures sur 24, il y a un dars. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le donne, hein, et qui enseigne aux gens le tawhid pendant 10 ans, sans arrêt. Donc toi tu viens, tu dis en 5 minutes tu peux apprendre ça? Il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Donc ça c'est des gens, pourquoi qu'ils parlent comme ça? C'est parce que pour eux, qu'est-ce qui est important, c'est la politique seulement. Et le fait de s'asseoir, puis d'étudier, puis d'apprendre la religion, ça les fatigue. Ils n'ont pas la patience. Donc ils veulent aller vite. Hein? Et on est à une époque où tout le monde veut les choses vite, rapides. Hein? C'est pour ça beaucoup de gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent savoir quelque chose, ils vont sur YouTube, ils cliquent sur une vidéo, ah, tel cheikh a dit ça, tel cheikh a dit ça. Ils n'ont pas la patience de prendre un livre et de suivre un dars dans la mosquée avec un cheikh, hein, du début jusqu'à la fin, prendre un an, deux ans pour étudier un livre, pour vraiment avoir une science enracinée, bien ancrée, pas juste des connaissances superficielles ou une petite connaissance que tu prends à gauche et à droite, puis après tu essaies de faire une sorte de collage avec ça. Tu prends un morceau à gauche, un morceau à droite, une parole ici, une parole là, tu colles ça ensemble, puis à la fin ça fait quoi? Ça fait n'importe quoi. T'as rien, tu sors avec rien. C'est pas ça le ta'sil, c'est pas ça l'il. Mais, yani Allah musta'an, beaucoup de jeunes ne comprennent pas ça. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh il dit, ensuite, donc tu invites les gens au tawhid, tu enseignes les gens le tawhid, tu clarifies pour eux la signification du tawhid, la signification du shirk. Il faut absolument que le musulman connaisse cette chose et qu'il réalise, hein, et qu'il implémente cette signification-là et cette réalité-là, et qu'il faut qu'il cherche en lui-même pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est produit en lui de shirk? Est-ce qu'il n'est pas tombé dans quelque chose de shirk? Hein? Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose ou est-ce qu'il n'a pas dit quelque chose qui vient en contradiction ou qui vient briser ou détruire son shirk, détruire son tawhid ou qui vient rentrer du shirk en lui? Donc, tout ça, c'est des choses importantes. Des choses importantes. Et il faut donc que quelqu'un il établisse sa da'wa sur ces fondations-là et sur ces fondements-là. Ensuite, Cheikh il dit « Wa qawluhu akhada ala hada 10 sinin » Donc le Cheikh il explique la durée de temps que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mecca en train d'appeler au tawhid. Il a dit « Akhada ala hada 10 sinin » أي أخذ على دعوة الناس إلى التوحيد والإنذار عن الشرك 10 سنين في مكة وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والحكمة أن الله بعثه في مكة لأن مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى والله جل وعلا يقول ما كان ربك وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا والأم هي المرجع الذي يرجع إليه والأصل الذي يرجع إليه هذا هو الأم قوله تعالى هن أم الكتاب أي الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات donc الشيخ il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم est resté 10 ans à la Mecque en train d'appeler au tawhid. On va expliquer que par la suite, il a reçu les salawats. Mais bon, il est resté en train d'appeler au tawhid pendant 10 ans. Et il a averti contre le shirk, hein, pendant 10 ans lorsqu'il était à Mecca. Et ça, c'est la base, comme on a dit, de son message. Il appelle au tawhid, il interdit le shirk. Parce que c'est des gens qui adoraient les idoles. Et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a fait que ce messager-là soit à Mecca. Parce que Mecca, c'était la référence pour toutes les autres villes autour et toutes les autres tribus. Tout le monde se tournait vers Mecca et regardait Mecca. Pour eux, c'était, hein, le centre. C'était la ville de référence pour tout le monde à l'époque. Donc lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient de cette ville, de cette ville-là, hein, qu'on appelle en arabe aussi Ummul Qura. Ummul Qura, c'est-à-dire la référence de toutes les autres villes, hein, la base de toutes les autres villes. Et quand on dit ici qu'il a appelé au tawhid et qu'il a averti contre le shirk, hein, donc tout ça c'est pour faire comprendre, comme on l'a expliqué depuis tout à l'heure, l'importance de cette da'wah du tawhid et comment il faut se concentrer sur cette da'wah et pour établir cette da'wah. Hein? Donc, Yani, chacun d'entre nous, on a cette responsabilité de faire la da'wah au tawhid et d'apprendre le tawhid. Et je me souviens quand on était convertis, hein, au tout début, puis le frère qui nous donnait les cours au début, puis qui nous expliquait l'islam, il nous disait, est-ce que vous avez parlé de l'islam à quelqu'un? Est-ce que vous avez parlé de l'islam à quelqu'un cette semaine? Chaque fois qu'on allait retourner chez lui, la fin de semaine, il nous demandait, est-ce que pendant la semaine vous avez parlé avec quelqu'un de l'islam? Et je pense que ça c'était une bonne chose parce que ça faisait en sorte que yani, on se posait toujours la question, qu'est-ce qu'on a fait comme effort pour faire connaître cette religion-là aux gens. Et je me rappelle, subhanallah, au tout début, on était vraiment motivés, on était jeunes, on venait juste de se convertir, mais on était motivés, je te jure, subhanallah. C'était incroyable. Et donc, quand on a. Et quelques semaines après, déjà il y avait une vingtaine de jeunes qui étaient convertis à l'islam avec nous. Hein? Donc, une personne arrivait, après il amenait ses amis, l'autre il amenait ses amis, chacun. Et en subhanallah, une fois, quand, je me rappelle, une fois on est rentré dans la mosquée, on était. Environ 25 jeunes. Les gens, ils regardaient ces gens-là rentrer dans la mosquée, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, avec le temps, on a perdu de notre énergie, là, comme on dit. On n'est pas actif. On ne fait pas d'efforts pour la da'wa maintenant. On n'invite pas les autres. On n'appelle pas les autres au bien. Mais les gens de Bid'ah, eux, oui. Les gens de Bid'ah, eux, sont actifs. Cheikh Al-Fawzan, une fois, il parlait de ça. Il disait, tu vois, les gens qui sont sur la Bid'ah, qui appellent au shirk, sont très actifs. Il dit, les gens qui sont sur le tawhid, qui sont sur le haqq et la sunna, il faut qu'on fasse plus d'efforts. Hein? Parce que si on ne fait pas d'efforts, comment cette religion-là va se propager? Donc il ne faut pas manquer une occasion qu'on a pour appeler les gens, pour clarifier aux gens, pour rappeler les gens. Ça c'est très important. Donc, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Donc, dans Sourate Al-Qasas, le verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ton Seigneur ne va pas faire périr une ville ou une cité jusqu'à ce qu'il ait envoyé dans cette ville-là ou bien comme on a dit tantôt, Al-Um, dans la base, dans la référence de cette ville-là, un messager. Donc on a dit que, comme le cheikh il explique, Al-Um, quand on dit Umm Shay, c'est-à-dire la référence, celle vers laquelle toutes les autres se tournent. Ou retourne, vers laquelle ils retournent pour avoir leur orientation ou leur exemple. Donc c'est la base vers laquelle on retourne. C'est ça Al-Umm. Et donc quand on dit par exemple dans le Coran, dans surat Al-Imran, le verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala parle du Coran et il dit qu'il y a des versets qui sont muhkamat, qui sont clairs et explicites. Et il dit à leur sujet que ce sont les bases du livre. Ce sont les bases du livre, dans le sens que c'est ces versets-là qu'il faut ramener les versets qui sont équivoques, qui peuvent avoir plusieurs significations. On ramène ces versets-là aux versets qui sont les bases du livre, c'est-à-dire qui sont muhkamat, qui ne peuvent avoir qu'une seule signification. Et donc, Mecca, c'est la mère, c'est la base de toutes les autres cités qui étaient autour. Hein? Et le cheikh dit donc, كَذَلِكَ مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهِ هِيَ الْأَصْلُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْأَرْضِ وَالْمُسْلِمُونَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَرْجِعُونَ إِلَى مَكَّةَ فهي أم القرى بمعنى هي المرجع ولذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة لأنها أم القرى ومكث فيها 13 سنة ينهى أهل مكة عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلك ويبعد عنها الشرك والبدع والخرافات لأن الناس ينظرون إليها دائما وأبدا وما يفعل فيها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما يفعل فيها ينتشر في العالم فإن كان ما يفعل فيها خير انتشر الخير وإن كان على عكس ذلك انتشر الشر. Donc le cheikh explique que c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la ville de Mecca. Hein? La ville de Mecca, Allah l'a honorée. Et que Allah l'honore encore plus. Hein? Et c'est la base vers laquelle tous les habitants de la terre retournent. Et les musulmans, dans toutes les différentes contrées de la terre, ils retournent vers Mecca. Et c'est la mère des cités. C'est la mère des cités, dans le sens que c'est la référence. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca. Parce que c'est la base de toutes les cités. Et il est resté à Mecca pendant 13 ans. Il a interdit les gens de Mecca, il leur a interdit le shirk, et il leur a ordonné d'établir le tawhid et de pratiquer le tawhid parce que les gens de Mecca sont un exemple pour les autres. Les gens de Mecca, c'était un exemple pour les autres. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce que les gens de Mecca allaient faire. Et donc c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala a suscité son prophète de cette ville. Hein? Et c'est pour cette raison, ensuite le cheikh dit, c'est pour cette raison-là que il faut que Mecca reste sur, il faut que Mecca soit une demeure qui reste sur le tawhid jusqu'à l'heure du jugement dernier, jusqu'à la fin des temps. Et il faut que ce soit un manar. Qu'est-ce que ça veut dire manar? Un phare pour le tawhid. Hein? Jusqu'à la fin des temps, un phare pour la da'wah à Allah. Et il faut éloigner de Mecca tout ce qui est en contradiction avec la da'wah à Allah et éloigner de Mecca toutes les formes de shirk et de bid'ah et de superstition parce que les gens regardent qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils regardent toujours qu'est-ce qui se passe là-bas et c'est leur référence. Donc si qu'est-ce qui se passe là-bas c'est le bien qui va se répandre dans le monde entier. Mais si qu'est-ce qui se passe là-bas c'est le contraire, alors le mal va se propager dans le monde entier. فيجب أن تطهر مكة دائما وأبدا. ولهذا يقول جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها لأن الله بعث نبيه فيها وبدأ دعوته فيها عليه الصلاة والسلام. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة منها 10 يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ولم يأمر بشيء غير ذلك ولم يأمر بالصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الشيخ الزي et on va s'arrêter avec ça aujourd'hui. Il dit c'est obligatoire donc que Mecca soit toujours purifiée. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 125 dans surat al-Baqarah, hein, et nous avons pris le pacte avec Ibrahim et Ismaïl qu'ils doivent purifier tous les deux ma maison pour les gens qui viennent faire le tawaf, pour les gens qui viennent en prière et en adoration, et pour ceux qui viennent s'incliner et se prosterner. Donc il est obligatoire de purifier Mecca de tout ce qui est en contradiction avec l'islam, hein, pour que la da'wa et la religion se propagent à partir de cet endroit sur la terre entière, dans l'Est et dans l'Ouest, en Orient et en Occident. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de là qu'il a suscité son prophète. Et c'est là que son prophète a commencé sa da'wa, alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté donc 13 ans à Mecca. Et pendant les 10 premières années, il appelait les gens au tawhid seulement. Et il leur interdisait seulement le shirk. Hein? Il n'a ordonné rien d'autre que ça pendant 10 ans. Puis, donc il n'a pas ordonné, pendant ces 10 ans, il n'a pas ordonné rien d'autre. Ni la salat, ni la zakat, ni le jeûne, ni le hajj. C'était seulement l'avertissement contre le shirk et l'ordre du tawhid. Il leur disait seulement, dites la ilaha illallah, vous allez avoir le succès. Et eux, qu'est-ce qu'ils répondaient, les mushrikines? Ils disaient, est-ce qu'il a fait de, toutes les divinités qu'on possède, toutes les choses qu'on adore en dehors d'Allah, lui, il veut faire de toutes ces divinités-là une seule divinité, c'est-à-dire qu'on doit juste adorer Allah seul et abandonner toutes les autres. Ça, c'est certes une chose étonnante. Hein? Donc eux ils trouvaient ça comme étant une chose étonnante, ils ne voulaient pas cesser d'adorer les idoles. Donc ça c'est un point très très important, et on voit que au sujet de cette da'wa au tawhid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais fait aucun compromis avec les mushrikines. Il n'a pas dit par exemple on va attendre, on ne va pas parler de tawhid, parce que si on parle de tawhid les gens vont pas accepter. On va leur parler de d'autres choses en premier, hein, le bon comportement, la femme, les liens de la famille ou des choses comme ça. Mais on va pas parler de tawhid parce que ça fait fuir les gens. Il y a des gens aujourd'hui parmi les soi-disant douates qui prétendent pas appeler à l'islam. Eh ben, c'est ça leur da'wa. Ils parlent comme ça. Ils disent non, il faut pas parler de tawhid maintenant. Ça va diviser les gens, ça va faire fuir les gens. On va pas leur parler de tawhid. On va leur parler d'autres choses, des sujets politiques, des sujets sociaux, les problèmes de comportement, l'adoration, des choses comme ça. Hein? On parle pas du tawhid, on parle pas des bid'ah. Ça fait peur aux gens, ça fait fuir les gens. On va leur parler juste, on va leur apprendre d'autres choses en premier. Et ça c'est de l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jamais fait ça. Hein? Il a jamais fait ça. Pendant 13 ans, pendant 10 ans, il a appelé au tawhid seulement. Il a dit aux mushrikin, qu'est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? C'est batil, c'est faux. Hein? Et si vous mourrez dans cet état-là, vous allez dans l'enfer pour l'éternité. Il faut adorer Allah seul. Hein? Et ainsi de suite. Et ça, ils ne pouvaient pas le supporter. Ils ont voulu même le tuer à cause de ça. Ils ont voulu le tuer à cause de ça. Hein? Subhanallah. Donc, ça c'est la da'wa des prophètes. Toi, tu dis tu veux appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas appeler au tawhid et puis tu penses que tu vas pas avoir de problème? Ça c'est impossible. C'est impossible. Et tôt ou tard, les mushrikines ils vont pas accepter ce que tu fais. Ils vont te mettre des problèmes, des bâtons dans les roues. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.